Les dépravés, chapitre 15. À ce moment, Max aurait parié 5 contre 1 que sa maîtresse avait feint un évanouissement subi pour éviter la visite qu'il lui proposait d'aller rendre au docteur Rougelot, et il attribuait à l'offre qu'il lui avait faite d'aller le chercher l'attitude interloquée de Geneviève. Il était du reste enchanté de son idée. C'est la seule manière de nettoyer la situation, se disait-il. Mon père aura, lui, le droit d'interroger officiellement la femme de chambre et de poser à Geneviève des questions qui me sont interdites à moi, son fiancé. Après tout, un mariage ne se fait presque jamais sans que les parents aient aux informations. Je saurai ainsi ce qu'il peut y avoir de vrai dans l'affaire de la boucle d'oreille. La tache d'huile du soupçon avait pris de tels développements depuis le matin qu'il en était arrivé a accepté que son père allât au renseignement sur Geneviève. Il roulait vers la rue Louis-le-Grand depuis un quart d'heure à peine, quand la voisine de service auprès de la blessée ouvrit du dehors la porte à une jeune élégante avec laquelle s'était rencontrée sur le carré et qui lui avait demandé d'une voix exubérante de sollicitude « N'est-ce pas ici que demeure une jeune fleuriste qui a été récemment victime d'un accident épouvantable ?» et qu'on m'a dit être extrêmement souffrante. Elle se nomme Geneviève. C'est ici, lui avait répondu la voisine, et Clémentine était entrée. Subitement sortie de la prostration où Maximilien l'avait laissée pour courir chez Geneviève, la femme de chambre de Madame Alibert n'avait fait qu'un bond de la rue Louis-le-Grand à la rue d'Antin, où demeurait Esther, et où se trouvait déjà Clémentine, attirée par sa jalousie de Junon. Au récit des injures immodérées que Max avait prodiguées à la camériste et des violences auxquelles il faillit se livrer, Esther, impassible, avait répondu ce simplement « Il est mordu » et elle avait envoyé Coralie prendre, en compagnie de Clémentine, un poste d'observation dans la maison même où Max était allé porter le trait empoisonné qu'il venait de recevoir. Installé aux eaux premiers, dans l'appartement du parfumeur, contre la fenêtre d'une petite pièce servant de cabinet de toilette et où se tenait ordinairement la fille de chambre. Elles avaient aperçu par les fentes des rideaux Max entrant sous la porte cochère d'où il était monté chez Geneviève. En le voyant ressortir quelque temps après, les joues pâles, les lèvres frémissantes et le pas saccadé, Clémentine avait jeté ce cri de triomphe « Le torchon brûle !» Elle était alors sortie du cabinet de toilette, en passant par la cuisine, et s'était élancée sur l'escalier, en évasant ses jupes, comme celle d'une femme qui vient de dehors. Geneviève, le coude enfoncé dans son oreiller, sanglotait dans son mouchoir. Elle était tellement défigurée par les larmes que Clémentine, en entrant, eut un éclair de joie. Depuis 4 mois que je ne l'ai vue, « Serait-elle devenue laide ?» se dit-elle. Geneviève la regarda à travers les pleurs qui l'aveuglaient et ne la reconnut pas. Mais Clémentine savait se faire reconnaître. « Ma Geneviève, mon amie, ma mignonne » s'écria-t-elle en l'embrassant jusque sur les cheveux. « Voilà près de 5 mois que nous nous sommes rencontrés. Je me disais tous les matins, il faut pourtant que j'aille voir Geneviève. C'est ce maudit théâtre qui me prend tout mon temps. Et qu'apprends-je hier ?» que tu as voulu te tuer pour un misérable qui te trompait, qui se jouait de ta naïveté. Ils sont tous les mêmes, du reste. Clémentine, comme vous voilà belle, dit Geneviève. Est-ce que vous êtes heureuse? Ne parlons pas de moi. Et ne me dis pas vous. Je te tutoie toujours, tu vois. Ce n'est pas quand mes amis souffrent que l'idée me viendra jamais de les renier. Geneviève avait relevé la tête, ses larmes s'étaient momentanément séchées, et Clémentine fut bien obligée de constater que son ancienne camarade de magasin était encore plus jolie que du temps de Madame Bachelard. « Je vois ton désespoir que tu connais ton sort, » continua la jeune artiste, qui avait pris, rue de la Tour d'Auvergne, l'habitude des phrases prétentieuses. « Laisse-le te quitter, ma pauvre bichette, il sera le premier à s'en repentir. » Tu verras que sa scélératesse lui portera malheur. Mais Max ne m'a jamais dit qu'il me quittait, répliqua Geneviève en frissonnant. Qui peut vous faire supposer qu'il me quitte? Ah, il te garde après? Ma foi, si tu l'aimes, tu fais aussi bien d'y consentir. Il me garde après. Après quoi? Demanda la jeune fille d'une voix mourante. Quelle plaisanterie! Après son mariage. Ah ça, il n'a pas eu le toupet de te cacher qu'il allait se marier. J'aime à le croire. Et s'exclama Clémentine, usant à l'égard de Geneviève de la tactique employée par Coralie envers Max. Oui, il doit se marier, en effet. Il doit se marier, mais avec moi. C'est peut-être là ce que vous vouliez dire, balbutia Geneviève. Ah, oh, ma belle, mon cher petit ange, je vois qu'il est encore plus méprisable que je ne l'aurais cru. Mais non, au fait, tu sais tout, puisque tu sanglotais au moment où je suis entré. Je pleurais parce qu'il ne m'avait pas semblé aujourd'hui aussi bon qu'à l'ordinaire. Mais il y a deux jours encore, nous causions notre mariage, comme d'une chose faite. En ce cas, je suis bien heureuse de t'avoir instruite de ces véritables projets. C'est un grand bonheur que je sois venue te voir. Un bon averti en vaut deux. Mais il faut que tu sois réellement d'une innocence crasse pour ne t'être aperçu de rien. Il est impossible qu'une pareille infamie se consomme sans transpirer plus ou moins. Il ne t'a jamais paru gêné, embarrassé, inquiet? Si, tout à l'heure, par exemple. Il était comme fou. Il se promenait dans la chambre en parlant tout seul. On sentait qu'il avait un secret sur le cœur et qu'il reculait toujours le moment de me le confier. Et tu n'as pas trouvé moyen de lui faire tout avouer? Je l'ai interrogé, je l'ai supplié de m'ouvrir son cœur. Et il m'a d'abord assuré qu'il ne me cachait rien. Et il est même sorti de crainte de se trahir. Je m'en suis parfaitement rendu compte. Oh, le lâche! Mais il est rentré tout de suite après en me disant « Eh bien oui, j'ai quelque chose, mais le courage me manque. Mon père seul peut se charger de cette révélation. Viens avec moi chez lui, je te porterai s'il le faut. » C'est ce mot-là, « je te porterai » qui m'a fait peur. Je me suis levé, j'ai essayé de marcher, mais j'ai failli me trouver mal. Alors il est parti en me disant, d'un ton presque grossier, « je vais chercher mon père. Tu peux dîner en nous attendant. » Geneviève, comme une accusée mise à la question et répondant au tortionnaire, insistait sur les plus petits détails, comme si, du fait le moins apparent, pouvait sortir quelque alibi pour Max. Et quelque espérance pour elle. Ses mains crispées, sa respiration haletante, ses yeux fixes, semblaient répéter après chaque syllabe. Vous le voyez, je suis une sueur de sang. Trouvez un mot qui me rassure, une réflexion qui m'encourage. Ne vous obstinez pas à me persuader que tout est perdu. Mais Clémentine enfonça ce nouveau coin dans les chairs de la patiente, avec autant de sang-froid qu'elle avait mis à enfoncer les autres. La révélation qu'il n'a pas osé te faire. Je la connais, dit-elle. La plupart des journaux en ont déjà parlé. J'ai chez moi un journal qui en parle. Je suis fâché de ne pas l'avoir apporté. Et comme si elle avait encore les yeux sur la feuille imprimée, elle se prit à réciter. Le fils unique du docteur Ouzelot va épouser prochainement la fille de M. Mathusem, entrepreneur général des fournitures des établissements pénitentiaires de France. La fiancée est, dit-on, millionnaire. Vous avez lu cela? Fit Geneviève, disposée à croire comme tant d'autres qu'il n'y avait plus à revenir sur une assertion que le journal y avait passée. Alors c'est fini. Ce que son père va venir m'annoncer tout à l'heure, c'est son mariage avec une autre. Comment? Tu ne l'as pas déjà deviné, ma pauvre enfant? Si, si, dit Geneviève. Ce matin, je me suis répété plus de 20 fois, il veut me quitter. Mais je ne pouvais pas le croire. Non, je ne pouvais pas le. Jamais le nom de Léocadie Mathusem n'avait été prononcé entre elle et Maximilien. Tout ce qu'elle savait de cette rivale, c'est que Max, le soir de la catastrophe, s'était écrié au milieu des imprécations qu'il se brodiguait à lui-même. Je ne voudrais pas d'elle pour ta bonne. Cette appréciation avait suffi à maintenir Geneviève dans un état de quiétude relative. Clémentine se donna la mission de lui expliquer que Mademoiselle Mathusem était brune, très élégante, que son père avait 5 maisons sur le pavé de Paris, et elle 400 000 francs de dot. que le mariage, à l'instant détruit, s'était renoué de nouveau, moyennant 100 000 francs, ajoutés par le père au premier enjeu, et que cette fois, la torche de l'hymen était définitivement allumée. Geneviève écouta jusqu'au bout les variations que sa loyale amie broda sur ce thème. Pendant que Clémentine égrenait son chapelet de mensonges, jonglant tantôt avec les centaines de mille francs de la fille, tantôt avec les immeubles du père, la douce blessée ramenait sur sa propre misère des yeux pleins d'épouvante. Elle les reportait sur ses pauvres meubles, sur ses pauvres petites robes, sur sa pauvre petite lampe. Elle jetait un regard morfondu sur ses bras minces comme la jeunesse. Elle songeait à son pied malade. Elle s'imaginait qu'une concurrente, rehaussée d'une dot de 500 000 francs, avait au moins la tête de plus qu'elle. Elle avait cette conviction que non seulement Mademoiselle Mathusem était la splendeur et la beauté, mais qu'elle était aussi la vertu. Cette pensée fortuite lui empourpra le visage. La fiancée de Max était pure, et elle, Geneviève, était tombée, puisqu'elle était la maîtresse de Max et tutoyée par Clémentine. Espérer vaincre dans de pareilles conditions était de l'impudence gratuite. Devant l'évidence de sa défaite, sa raison la quitta. Tout son sang africain lui afflua aux tempes. Quelques instants, elle ne perçut plus le caquetage de Clémentine que comme un bourdonnement dénué de toute signification. Puis, quand le bruit cessa, la langue de l'artiste s'étant arrêtée, Geneviève ne poussa qu'un cri « Allons !» et légère, comme un fantôme, sans paraître en quoi que ce soit gênée par sa foulure, elle sauta du lit et se précipita vers la fenêtre qui était fermée et qu'elle chercha à ouvrir. Mais Clémentine avait l'œil à tout. Elle fut à la fenêtre en même temps que Geneviève et mit la main sur l'espagnolette qu'elle tint baissée en s'y cramponnant. « Ah, ça, tu es donc enragé ?» lui dit-elle. « Laisse-moi mourir, Clémentine. Fais ça pour moi. Laisse-moi mourir, » répéta Geneviève, rendue tant soit peu elle-même par cette opposition imprévue. « Il vaut mieux que j'en finisse maintenant. » Tout à l'heure, le père de Max va venir me notifier notre séparation et m'annoncer son mariage. Je perdrai la tête, j'en suis sûr. Je ne veux pas recommencer devant eux la scène de l'autre soir. Il faut que je sois morte quand ils arriveront. » Comme s'il n'y avait pas un autre moyen d'éviter la rencontre, dit Clémentine, saisissant au bon cette balle inespérée. Viens chez moi, je t'y cacherai, et le père, pas plus que le fils, n'aura la satisfaction de te voir dans tous tes états à cause d'eux. Je connais les hommes, ils en riraient le soir au café avec leurs amis. Pour Clémentine, l'idée qu'un homme pouvait rire d'elle au café avec des amis représentait le summum de l'infortune. C'est cela, vite, partons. Emmène-moi, fit Geneviève. Si ce mariage est l'œuvre de son père, ma mort les brouillerait peut-être. Je n'ai pas le droit de brouiller un père avec son enfant. Alors il n'est que temps de t'habiller. Ils peuvent arriver d'un instant à l'autre. Oui, oui, dit Geneviève, en passant à la hâte un peignoir en cotonnade demi-deuil. Tant que je ne verrai pas Max, j'aurai du courage. Mais s'il est là, je ne réponds plus de quoi que ce soit. Clémentine eut toutes les peines du monde à attendre que son amie fût à peu près couverte, pour la prendre par le bras et l'entraîner vers la porte. Mais Geneviève avait dépensé toute son énergie dans les préparatifs de son départ. Son pied, dans tous les va-et-vient auxquels on venait de le soumettre, s'était endolori au point qu'elle ne pouvait même pas se tenir debout. Elle s'assit en pleurant sur la première marche de l'escalier. « Coralie ! Coralie ! » cria Clémentine. La femme de chambre, qui se tenait à l'affût sur le carré du premier étage, fut en 6 enjambées auprès des 2 jeunes filles. Clémentine craignait d'avoir commis une imprudence en appelant avec ce ton d'autorité cette Coralie qu'elle ne devait pas connaître. « C'est, dit-elle à Geneviève, une excellente fille qui m'a indiqué ton logement quand je le cherchais tout à l'heure. Elle connaît ta malheureuse position et s'intéresse beaucoup à toi. Elle m'a recommandé de te faire monter si nous avions besoin d'elle. « Coralie, ajouta-t-elle en s'adressant à la domestique, Madame a besoin, pour se remettre tout à fait, d'aller respirer un air un peu plus pur que celui de la rue Saint-Martin. Il s'agit de m'aider à la porter jusqu'en bas, car elle est encore bien faible. Mais avant tout, allez nous chercher un fiacre. C'est inutile, madame, répliqua Coralie. Nous avons juste en face une remise. Une fois sous la porte, nous n'aurons plus qu'à faire signe à un cocher d'avancer. En ce cas, andiamo, dit Clémentine, qui, comme beaucoup d'actrices, croyait savoir l'italien. Laisse Coralie t'enlever par les pieds. Bien, et maintenant, passe ton bras autour de mon cou. Là, et serre-moi fort, ma chérie. Ne crains pas de me déchirer mon col de Valenciennes. Tu penses bien que, pour une camarade comme toi, je n'irai pas regarder une dentelle de 25 francs. Sans la volonté bien arrêtée des deux femmes de faire disparaître Geneviève, l'une pour l'arracher à mari, l'autre pour acheter son amant, les difficultés de la descente eussent été presque insurmontables. Mais il serait plus sûr de s'adresser à la jalousie et à la haine qu'à la foi pour transporter des montagnes. Les 5 étages qu'elle avait montés avec tant de peine 15 jours auparavant, sur les bras de 2 hommes du peuple, alors que tout le monde la croyait morte, elle y redescendait non moins péniblement sur ceux de Clémentine et de Coralie, et elle n'était pas beaucoup plus vivante. Quand on fut en bas, Coralie abandonna un instant, sur la dalle, au pied de l'escalier, la partie du fardeau qui lui incombait, tandis que Clémentine continuait à soutenir la sienne, et courut jusqu'au seuil de la rue d'où elle appela un cocher qui vint immédiatement s'établir devant le numéro 73. La femme de chambre retourna à Geneviève et parvint à l'installer dans le fiacre, toujours aidée de Clémentine, qui prit également place dans la voiture. « Eh bien, ma bonne Geneviève, dit-elle, te voilà hors de danger. » Geneviève ne répondit pas. Elle était évanouie. « Quelle créature étonnante, fille, en manière de couplet final, la femme de chambre, qui était restée sous la porte cochère. Elle se fait du chagrin à propos de tout. »« Elle est sûrement hystérique, riposta Clémentine. Cocher, nous allons en rue Richelieu. » Coralie continua à monter la faction jusqu'à l'arrivée du docteur Houzelot et de Max. Au moment où ils mettaient le pied sur l'escalier, elle les arrêta au passage. « Vous venez sans doute chercher les effets de Madame Geneviève, dit-elle à Max. Vous savez où elle les sert d'ordinairement. Tenez, voici sa clé qu'elle m'a laissée en partant. » Et Coralie l'a mis dans la main de Max. Après avoir fermé la porte de la chambre, elle avait jugé prudent d'en garder la clé, au lieu de la déposer chez le concierge, qui ronflait dans sa loge au moment du transfèrement de Geneviève, et ne s'était aperçu de rien. « Comment ?» fit Max, sans comprendre. « Dans l'état où elle est ? On la laisse enfermée toute seule, dans sa chambre ?»« Montons vite !» dit Houzelot, en gravissant les premières marches. « Mais vous n'avez donc pas entendu ?» reprit la femme de chambre. « Je vous répète que votre dame n'est plus chez elle. » Le père et le fils se regardèrent comme pour s'interroger l'un l'autre. « Bien, où est-elle donc ?» demanda le docteur, qui semblait le moins surpris des deux. « Elle est sortie. »« Geneviève, sortie, dit Max. »« Et il y a déjà une bonne demi-heure, » répondit Coralie. « Ah, ça, décidément, vous êtes folle. »« Folle ? Pourquoi donc sois-je folle ? Je ne sais pas ce que vous avez contre moi. »« Elle est si bien sortie qu'en passant, elle m'a donné sa clé, avec la recommandation de vous la remettre. » Elle a même ajouté, c'est le dernier service que vous me rendrez. Et puisqu'elle est sortie, répliqua Max, toujours incrédule, vous pourrez du moins nous apprendre où elle est allée. Ah, c'est bien ce que j'aurais voulu savoir, mais elle courait si fort, que je n'ai pas eu le temps de le lui demander. C'était comme une vraie biche. Geneviève courait, mais s'il y a une heure, elle ne pouvait mettre un pied devant l'autre. Elle aura fait un vœu qui la guérit subitement, dit en souriant le docteur. Ah, je ne sais pas si elle a fait un vœu, répliqua la femme de chambre. « Mais je peux vous affirmer qu'elle allait vite. » Max n'avait plus rien à objecter. Il bondit dans l'escalier, se trouva, sans avoir eu conscience de l'espace parcouru, devant la porte de Geneviève qui l'ouvrit toute grande. Les couvertures du lit traînaient par terre, les armoires étaient ouvertes, les tiroirs béants, jupons, jarretières, mantelets, chapeaux gisaient pêle-mêle sur le parquet, dans le tohu-bohu du désordre le plus imaginé. La femme de chambre avait raison. Ce n'était pas un départ, c'était une fuite. Le docteur Houzelot mit à gravir les 5 étages le temps nécessaire pour se faire éclairer sur l'état de choses par Coralie. Il trouva son fils debout, au milieu d'un îlot d'étoffes et d'objets féminins, avec les bras tombants d'un homme plus que stupéfié. Allons, remets-toi, mon garçon, lui dit le docteur. À ne rien te cacher, je m'y attendais. Elle a tenu à éviter les désagréments d'un débat public. Et elle a mieux aimé se laisser juger par contumace. Elle a eu raison du reste. C'est ce qu'on appelle se faire justice soi-même. Ah, dame, mon cher Max, tu as 22 ans. Les illusions vont commencer à tomber. Max eut le cosier serré par un rire qui était tout près des larmes. Je n'ai que ce que je mérite, dit-il. Il n'est réellement pas permis de pousser la bêtise aussi loin. Ouzo commit la faute de vouloir escompter immédiatement son succès. Après un effondrement comme celui-là, dit-il à son fils, tu n'as plus qu'à murer la porte de ta vie de garçon et à te réfugier dans un mariage bien paisible. Si ce n'est pas tout de suite le bonheur, ce sera au moins le calme. Le moyen de me donner le calme serait de me laisser à la paix, répondit Max d'un ton sec. Ta demoiselle, Léocadie, est probablement la vertu même comparée à l'autre, mais je ne me sens pas en train de chercher des parallèles. D'ailleurs, c'est à cette famille Mathusem que je dois tout le bel ouvrage d'aujourd'hui. Ne me parle plus de ces gens-là. Cependant, quand ils n'auraient été bons qu'à t'ouvrir les yeux, ils m'ont rendu là un aimable service, en effet, avec la conviction que Geneviève était la candeur et le dévouement incarné. J'aurais pu vivre heureux jusqu'à la fin de mes jours. Tant qu'on est trompé, on n'éprouve aucune douleur. C'est le jour où on vous détrompe qu'on commence à souffrir. En ce cas, épouse une femme convenable. Tu ne seras ni trompé ni t'es trompé. Tu peux donc me garantir qu'elle se conduira autrement que Geneviève. Est-ce parce que mademoiselle Léocadie est moins jolie qu'elle sera plus honnête? En ce moment, vois-tu, toutes les femmes me répugnent. Si je m'écoutais, je me ferais chartreux. Le docteur, assez déconfit de l'accueil fait à ses avances, comprenait l'élimination de Geneviève ne représentait que la moitié de la besogne. Restait à opérer le rapprochement entre Max et Léocadie, ce qui, dans l'état inflammatoire de la blessure de son fils, paraissait devoir être une opération des plus laborieuses. Il n'osait pas se rendre chez l'entrepreneur. La résistance actuelle de Max au mariage proposé, devenant encore plus blessante pour les Mathusem, il n'osait pas se rendre chez l'entrepreneur après qu'avant sa rupture avec Geneviève. Ouzelot eut beau s'ingénier à trouver des biais. Il vit bientôt qu'il n'avait encore une fois de ressources que dans Esther. Il la trouva dans son appartement de la rue Nantin, assise dans un fauteuil crapaud, au milieu d'un salon aux soies jaunes, providence des brunes déjà passées. Deux Diaz, l'un représentant un bouquet de fleurs vu de face et peint en pleine pâte, l'autre une réduction avec quelques modifications de la mort de l'amour. Un coup de soleil dans la forêt de Fontainebleau, par Jules Dupré, une gravure du tableau de Lancrenon, la nymphe recevant Jupiter sous la forme d'une nuée, se balançait au bout de longs cordons de laine verte sur le fond d'or des tapisseries. Les peintures étaient dans la belle qualité des maîtres. Esther n'avait peut-être pas de goût, mais ses amants en avaient eu pour elle. Au moment où le docteur entra, elle était formée en comité secret avec Clémentine qui lui racontait en riant aux éclats comment Geneviève, persuadée que le père de Max allait venir lui annoncer la rupture définitive de leur projet d'union, s'était laissée emporter comme un vrai paquet. Comment le cocher de la voiture, le concierge de la maison de la rue Richelieu l'avait, toujours évanouie, montée dans la chambre bleue où elle était couchée depuis une heure en proie à un accès de fièvre menaçant. Elle avait déjà vidé trois carafes d'eau froide. Le docteur, introduit dans le conseil par un domestique en demi-livré, jeta sur l'anchois bruyante une quatrième carafe d'eau froide en décrivant les dispositions répulsives de Max à l'endroit de l'affaire Mathusem. Comme si c'était le moment de lui mettre ainsi votre héritière sur la gorge, dit Esther. Si mon plan avait été moins solidement machiné, il y avait de quoi lui donner des soupçons. Savez-vous à quel résultat vous arriverez à lui faire prendre en grippe votre demoiselle Léocadie? Il fallait le laisser reposer jusqu'à ce qu'il y vînt de lui-même. Il me paraissait si résolu à ne plus entendre parler de Geneviève, répliqua Ouzelot, que j'ai cru qu'elle allait lui revenir sans discussion. Mais laissez-moi donc faire. Vous ne connaissez pas le premier mot de cette langue-là. Le jour d'une séparation, tout homme fait blanc de son épée et se promène dans les lieux publics avec des airs de Spartacus en rupture de chaîne. 8 jours après, l'heureuse affranchie est devenue une espèce de rat empoisonné qui trotte, qui s'informe, qui interroge, qui guette pour savoir si la misérable, si la femme indigne de la semaine d'avant ne consentirait pas à venir donner de ses écarts une explication qu'on s'engagerait à trouver suffisante et qu'il serait suivi d'une amnistie générale. Oh, nous n'avons rien à craindre de ce côté-là. Max se croit joué et est trop fier pour chercher jamais à revoir sa Geneviève. Laissez-moi donc tranquille, fit Mester en haussant les épaules. Quand il verra qu'il ne peut pas oublier la femme, il oubliera les griefs. Geneviève serait la reine des coquines et aurait joué réellement le rôle dont nous la gratifions, que Max serait encore trop heureux de s'agenouiller devant les chandelles qu'elle lui ferait voir en plein midi. Vous connaissez Gautret, l'auteur dramatique. Vous savez s'il a du talent et s'il passe pour connaître le cœur humain. Eh bien, il y a 2 mois, en rentrant à l'improviste dans l'appartement qu'il habite avec Teresita du Châtelet, savez-vous ce qu'il a trouvé sur les 2 heures de l'après-midi? Un jeune homme, couché dans ses draps, à qui Teresita en personne était en train d'offrir un verre de Bordeaux et un biscuit. Il l'enlaçait en l'appelant voleuse et incendiaire. 8 jours après, le hasard ayant voulu qu'ils se rencontrassent, elle lui a démontré que ce jeune homme lui était à elle parfaitement inconnu, et qu'il était venu à la maison pour le voir, lui, et lui apporter une idée de pièce, que la pluie battante avait surpris, qu'il était arrivé mouillé jusqu'aux os, et qu'elle avait elle-même forcé, pour ainsi dire, sous peine de fluxion de poitrine, de se mettre au lit, pendant qu'elle ferait sécher contre la cheminée ses vêtements, qui étaient à tordre. Gautret, qui ne mangeait ni ne dormait depuis qu'il avait renoncé à Teresita, a mieux aimé la croire que de continuer à se passer d'elle. Aujourd'hui, votre jeune homme est tout à son indignation. Attendez un peu, et si tant est qu'il aime sa maîtresse, vous verrez comment il va vous plaider les circonstances atténuantes. Mais, fit remarquer Hounslow, vous savez bien qu'il a consenti à la quitter une première fois. À ce moment-là, il se croyait sûr d'elle. Rien n'attache à une femme comme de s'apercevoir qu'on est sa dupe quand on en avait la conviction d'en avoir fait sa victime. Nous sommes la même chose avec les hommes, fit Clémentine. Mais d'après vous, reprit le docteur, la position serait aussi mauvaise que jamais. Que dans 15 jours, ils rencontrent Geneviève, ils se jettent dans les bras l'un de l'autre et se mettent à se réadorer. Soyez tranquille, dit Clémentine. Maintenant qu'elle est chez moi, je saurais bien l'empêcher d'en sortir quand je devrais faire poser des doubles serrures à toutes les portes. Clémentine, la passion t'aveugle, répondit Esther. Tu ne peux pas l'attacher au pied de son lit. Non, mais elle va sûrement tomber malade. Je la forcerai à rester couchée. Le jour de sa première sortie, elle n'en courra pas moins après son Max. Voyez-vous, mes enfants, ajouta Esther, après quelques minutes de silence réfléchissant, nous ne faisons que reculer pour mieux sauter. Le seul parti raisonnable, c'est d'éloigner votre fils pendant 3 mois. En effet, dit Hounslow, frappé de cette idée. Si je l'envoyais en Italie, il a toujours eu envie d'aller visiter Florence. Il aura là une foule de distractions. Il verra les musées, les monuments publics, les collections particulières. Il faut que vous soyez bien chevalier de la Légion d'honneur pour vous imaginer que les Vierges de Raphaël vont lui remplacer sa maîtresse, interrompit Esther. Et il n'y a pas 2 moyens de détacher un homme d'une femme qu'il aime. Il n'y en a qu'un, entendez-vous, seul et unique, approuvé par la faculté de médecine. Ce moyen, c'est de présenter au monsieur une seconde femme qu'il fasse oublier la première. Mais, dit Hounslow, quel autre supplantera dans son cœur cette Geneviève qui a toutes les séductions et tous les charmes? Clémentine ouvrit la bouche comme pour s'écrier. Eh bien, et moi? Je ne suis donc pas là? Mais Terre, qui avait prévu le jeu de scène, arrêta d'un coup d'œil cette explosion d'amour-propre. La dame en question ne sera pas facile à découvrir, je le reconnais, reprit la présidente de ce conseil privé. Néanmoins, je crois avoir trouvé celle qu'il nous faut. Une nécessité domine tout, celle de faire surgir des événements qui amènent votre fils à la distinguer de lui-même, sans que nous fassions mine de la lui jeter dans ses bras. Êtes-vous sûr que ce dérivatif ne deviendra pas un obstacle de plus au mariage de Max avec Léocadie? Je suis sûr que votre salut est là. Comprenez-moi bien. Après 3 mois de tête-à-tête, de promenades à cheval, d'excursions et de voyages en coupé, votre jeune homme sera assez coiffé de sa nouvelle passion pour se sentir à peu près guéri de l'ancienne. C'est alors que notre dame laissera les liens qui l'attacheront à lui se relâcher peu à peu, jusqu'à ce qu'il se dénoue tout à fait. Votre garçon sera probablement assez mortifié de se voir mis de côté par notre ami. Mais on n'aime pas sérieusement 2 femmes dans la même année. Après avoir perdu l'une de vue, il se consolera de l'abandon de l'autre. Il ne reviendra, assoupli par la désillusion et mûr pour l'entrée en ménage. Vous obtiendrez alors de lui tout ce que vous voudrez. On ne se figure pas le nombre d'hommes qui ont pris des femmes légitimes parce qu'ils se voyaient constamment trahis par leur maîtresse. Et cette compagne de voyage que vous rêvez pour Max, vous prétendez l'avoir sous la main? Je l'ai ou je l'aurai. Puis-je promettre 20 000 francs? Je les donnerai le jour du mariage de mon fils. Mais vous savez que nous ne pourrons pas vous rendre le jeune homme avant 3 mois. Dans 3 mois, soit, j'avertirai la famille de la future. Ce retard n'a rien d'exagéré. Fin.